Le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait fêter le 80e anniversaire de naissance du professeur et docteur Shin Dong-yang, enseignant à l'école supérieure halieutique de Nampo, et de Chung Chun-mo, journaliste émérite du journal Gangwon Ilbo. Le docteur a consacré sa vie à l'enseignement de la postérité, et le journaliste a écrit beaucoup d'articles et a invité les militants du parti et autres travailleurs à l'accomplissement de la politique du parti par ses activités de propagande.